Mi pièce me en laisse et qui bomba. Dem dem chata yo caprene bomba. Mi a one fest kabat me panikomba. Démarre ça. Les jaloux kapale, moi en castique. La nigo modèle, combien plastique. Les enrivé en caille, là ça pété à skip. En ka kill kill. En caca c'est fizia, ça qu'arrivé en tête. En démarre ça, qu'on compète. En vini krasé kaila, moi en qu'on en tempête. Yé qui flex, en ka bon fake. En caca c'est fizia, ça qu'arrivé en tête. En démarre ça, qu'on compète. En vini krasé kaila, moi en qu'on en tempête. Si yo pas fait moi chier en languette. En ka mette bon pression. Ou j'en sais ça qu'a fait, moi en ka pété question. Si ou c'est en fake, ou pas intéressant. Les jaloux parlent les sons, moi-même en cas bye bye bye. Mi a bat watch mi crase en caille. Et ma tic tic yo pa pare bye. En cas di yo bye bye. Gal de ma sit, sit, look de ma tic. Tic, combien bal bitch. Bitch, poum poum ka flip. Flip, gal de ma sit. Sit, look de ma tic. Tic, combien bal bitch. Bitch, poum poum ka flip. Flip. En caca c'est fizia, ça qu'arrivé en tête. En démarre ça quand on compète. En vini krasé kaila, moi en qu'on en tempête. Dis yo pas fait moi chier en languette. Get, get, get. Dis yo pas fait moi chier en love me when me a up and down. You know me na one me a come with pretty bum bum. My gun on fire, it's time to ring the alarm. My song is so bad, it's fat, it's good, yeah no. You know Zaka pop, pop, the thing on the top, top. Sa full coco shot, no Photoshop. Simple, yeah, ki go down wine and jiggle. Yeah, ki wine and jiggle. Yeah, ki go down wine and jiggle. Mwen ki rale ko, chebe ko, commence pushing back. An ka brene yi ka, yeah, ki watch that. We a shine, we a move like that. Push back, baby, push back. Dance all, nou ka plie sans cat. Ou vini trape problem, mouni an chak. Bad gal, nou pa ka chat, ke ma chat. Sa ka pop, pop, di ting on di top. Sa full coco shot, no Photoshop. Sa simple, yeah, ki go down wine and jiggle. Yeah, ki wine and jiggle. Yeah, ki go down wine and jiggle. finds this lovely creature as she stands with her hair full of ribbons and green gloves on her head. So I asked this lovely creature, yes I asked, would she walk with me a while through this night so vast? Creature, yes she said, yes I'll walk with you a while. It was a joyful man she led. Creature over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. Oh, the sands, my lovely creature, in the maid moaning winds, at night the deserts ride with diabolical things. Through the night, the wind lashed and it whipped me. When I got home, my creature was no longer with me. Beneath the slow drifting sands, with her hair full of her ribbons and green gloves on her head.